Stila Jamaica. Aleluia, lokola na kopana. Stila Jamaica. Nayebi saki bino awatedi. Nayebaki te bimbo koyelanga bolingo mamanga na we, mamanga na we. Sango etamboli lokola molinga likaya epaya baboki bayo bango pe baininga. Susi yanga na yo esilaki te, esilaki te. Bango pe baininga. Cinq sur cinq les gars. Et le parrain était témoin. Susi yanga na yo esila kite, esila kite. Bango pe baininga. Denge bimina minoko ya bato mama. Vraiment na kamwe chéri tamonga na kamwe. Je set et match. Quartier latin, pas de faux pas. Au Tidiango, hein? Au Tidiango. Totonga et biso planète, mon sousou primoe. Pour la terre, toko sanga libanza ya noé. Bien solo, la terre est le qui volou. Zambe a sala mondango, olinga moto, toujours kaka mabe. Moye nini, narako ki maman arabe. 4x4, yakana no sali sa papa koloto vraiment. Nago le ganzela nini suzuke di, lo banana. Ah! Toto maya, biso planète, mon susu primoe. Pour la terre, toko sanga li bonza ya noe. Sylvia des offres, c'est les moins bobolas.